Il suffit par rapport à cette sourate de se rappeler ce qui a été dit par l'imam Shafi'i à son sujet. Comme l'a cité l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans les trois fondements, il a dit: لو ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait révélé sur ses serviteurs comme argument que cette sourate, ça aurait suffi. Ça aurait suffi comme argument d'une manière globale. Mais comme vous savez, il n'y a rien de le Coran qui suffit à d'autres sourates de le Coran. Tout le Coran est important, est indispensable. Là, quel est le sens de cette parole? C'est que cette sourate, malgré qu'elle soit courte, de trois versets seulement, elle permet de montrer clairement à l'être humain son objectif et la raison pour laquelle il a été créé et son objectif dans cette dunya et le moyen d'être sauvé de la perdition et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rien qu'avec Sourate Al-Asr, tu sais pourquoi tu as été créé. Et tu sais que tous les êtres humains sont en perte et en perdition, excepté une seule et unique catégorie. Excepté une seule et unique catégorie qui sont ceux qui ont eu une foi authentique, aqida sahiha, et qui ont œuvré conformément à cette foi et à cette science, œuvrer pour Allah conformément à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, et qui se sont recommandés la vérité et qui se sont recommandés la patience. C'est la seule catégorie d'être humain qui sera sauvé auprès d'Allah. Tous les autres sont voués à la perdition, excepté cette catégorie qui est une catégorie unique. Il faut comprendre aussi que la perdition, c'est des catégories. Il y a des choses qui te font sortir de la grande réussite, mais qui ne te mènent pas forcément vers la grande perdition. Quelqu'un qui a des négligences, qui est dans des péchés, celui-là, il mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'est pas voué à la perdition éternellement. Sauf s'il a une lacune qui le fait sortir de l'islam complètement, dans sa foi, ou dans ses actes. Mais du moment qu'il est dans le cadre de l'islam, et qu'il est dans le cadre de l'islam, et qu'il meurt sur Tawhid, celui-là, forcément, sa destinée finale sera le paradis. Mais il peut subir des châtiments et des purifications avant d'être, avant d'aller au paradis, avant d'aller au paradis.